Pardon, c'était bien ça pourtant, c'était super. La montée est vachement bien, je vais réussir, je pense. J'espère. Un, oh, un, et. Ouais, comment ça fait dur, dur. Hey, gars. Eh ben, moi, je crois que c'était pas ça en fait, je l'avais à l'envers, ma tête, pardon. Dead, stop back up on my instant. Come on, never don't pray this. Come on, find this all day. Oh my, you don't want F on eyes. Don't get the right day. Oh, who want it? Give it up. Don't give a one this. Oh, then. I'll be on my bro. Am I as a bit? Dream. I'ma leave a one dose and dough. I'ma leave a dough and ça viendra tôt. Thank you. Ah, j'ai oublié de regarder les doigts, putain. Thank you.